Original étoile. Yes, parce que le voyage, c'est l'ouverture d'esprit aussi, moi. Faut avancer les choses. Ça tue le racisme. Yeah. Quand les gens ils voyagent, ils voient ce qu'il y a ailleurs que chez eux. Yeah, ouais. Grandir pour mieux grandir tous ensemble. On appelle l'unité. A big thing à Guan, yes. 91.9, yes. Dancehall vibes. Acoustic vibes now, yes. Twani na di pièce. Siri. L'homme que l'on nomme Valdez. Jola. Yes. Esconked. Qu'est-ce qui se passe vendredi? Qu'est-ce qui se passe vendredi, les gars? Bon, boclade. Eh ben, ça se passe. Eh, où? À la grotte. Voyager. À la grotte, c'est rue des Juifs. Yaman, il y a une soirée organisée par Raga Sound System. C'est ça, yes, Big Up Jeb. Et il y aura Dancehall Vibes. Ouais. Il y aura Twan en acoustic vibes, un peu comme ça, dans le style-là. Et puis, il y aura un open mic, yes, pour tous les DJ, tous les singers de la town. In a des town, in a des live, in a des town, town, town. Ouais, ouais, ouais. Pas de problème, venez nombreux et nombreuses. Yeah. Eh ouais, jusqu'à 1h30 au maximum, sin. Et après, faudra continuer à l'élastique, parce que ça sera encore hot. On continue avec la Fin Creation qui sera là présent, sin. Alors, on va passer à la suite, là. Hey, parce que, yes, ça fait peur de voir nos frères tomber dans des mauvaises vibes. Yes, quand on est ensemble, c'est on est ensemble. Mais dès que tu commences à prendre du chimique, yes man, tu commences plus à être ensemble. Tu commences à être pour ta gueule et tu commences à t'enfoncer dans un sale vice. Et yes man, le chimique, quand je dis chimique, je parle de cocaïne, héroïne, crack, pas bon, c'est pas bon. Amphétamine, yeah. Garde la forme, yeah man, la santé, ecstasy, acide. Yeah man, même l'alcool tomber, c'est de la drogue, boy. Easy and Harry. Je te parle pas de la good good ganja, man, Mitalia. Dis-leur. Well, non man, le tabac c'est de la drogue aussi. Yes, boy, mais y'a des drogues, c'est de la drogue. Ça, yeah, man, I tell you that. Le chocolat. Easy and I win at the party.